واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je remercie tout d'abord le frère Fawzi Jazallahu Khairan qui nous a permis de faire cette allocution dans son site Salafi du Sud et d'Alès, ainsi que le frère de Sunna Publication Hafidhahumullahu Jami'an, le frère Fawzi, le frère responsable de Sunna Publication, et je vous donc souhaite la bienvenue pour ce cours. Et je vous expliquer en fait, Inch'Allah, en quoi consiste ce cours. C'est une daura, une conférence qui s'est faite au Koweït, organisée par Cheikh Ahmed Soubeiri, Hafidhahullah Ta'ala, entre autres. Et j'ai voulu partager avec vous ces paroles de ces savants, notamment du Koweït. On va voir qu'ils sont de différents pays, parce qu'il y a plusieurs chouïrs qui sont venus à cette daura-là. Parce que je l'ai trouvé très intéressante, évidemment, et au niveau du menhaj, il y a beaucoup de fawa'id, beaucoup de bienfaits dans la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Et cette daura, elle a eu pour titre « Kalimatun fi sunna, la fil ahdath il jariya ». Et en français, ça donne « Parole sur la sunna, pas sur les événements actuels ». Et donc, comme on va le voir dans un instant, inshallah, on va parler de la sunna, on va parler du menhaj salafi, inshallah, on va parler de certaines choses importantes dans le menhaj salafi, inshallah. Et on va commencer directement par l'introduction de Cheikh Ahmed Soubeiri qui a introduit pour les autres chouïrs qui vont arriver après. Évidemment, comme c'est une daura, elle fait plus ou moins deux heures en arabe parce qu'ils font chacun une courte allocution. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui et je n'ai pas tout traduit de toute façon. Donc ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va appeler ce cours-ci « Parole sur la sunna, pas sur les événements actuels » numéro 1. Et Inch'Allah, on garde le contact et on essaiera de s'organiser pour les autres cours. Donc c'est une série de cours, Inch'Allah, qui se fera peut-être en deux ou trois cours, Inch'Allah. Donc comme je disais, voici la traduction en langue française d'un colloque salafi organisé au Koweït où les gens de science suivants ont pris la parole. Cheikh Ahmed Soubeiri, Hafidhahullah Ta'ala, qui est l'un des organisateurs, Cheikh Khalid Abdurrahman d'Égypte, Cheikh Abu al-Abbas Adil Mansour du Yémen, Cheikh Khalid ibn Dahwi al-Dhufairi du Koweït et Cheikh Mohamed ben Ramzan al-Hajiri d'Arabie Saoudite, qu'Allah les préserve tous. Et voici donc l'élocution introductive de Cheikh Ahmed Soubeiri hafidhahullah ta'ala. Il dit fa inna ahla sunnati harisin kull al hirs an yatahaqqaqa fihim wa bihim ma'na qawl an nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al haqq zahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah baynama ahlu al bid'i wal ahwa fala yazalu yatahaqqaqu bihim wa yatahaqqaqu minhum sawa'un sha'uru am lam yash'uru علموا أم لم يعلموا يتحقق فيهم الوعيد الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذ القذة بالقذة وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم فمن القوم. Donc Cheikh Ahmed Soubeiri حفظه الله تعالى commence son introduction en disant: et n'oublie pas de me donner une indication que vous avez du son de temps en temps, Inch'Allah. Les gens de la sunna sont certes diligents, de la plus grande diligence, que se concrétise en eux et par eux le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être sur la vérité apparente, sans qu'on ne leur nuise ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui s'opposent à eux, et ce jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Puis le cheikh continue en disant: tandis que les gens de l'innovation religieuse et des passions, Ahlul Bid'a wal Ahwa, n'ont de cesse que se concrétise en eux et d'eux, qu'ils le sentent ou pas, qu'ils le sachent ou pas, la menace contre laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde par sa parole: vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédé, comme se ressemblent les plumes d'une flèche, un empan pour un empan et une coudée pour une coudée, à tel point que même s'ils entrent dans le refuge, hein, et le mot en arabe c'est dhab, et dhab c'est un genre de lézard qu'on appelle un neuromastix, c'est un genre de lézard, à tel point que même s'ils entrent dans le refuge d'un neuromastix ou d'un lézard, vous y entrerez. Ils dirent: les juifs et les chrétiens? Il répondit: alayhi salatu wassalam, qui d'autre? Et Cheikh continue en disant, فإذا سمعت هيعة أو صيحة أو ضوضاء أو ضجيج أو أناس مجتمعون يهتفون ثم يزعم أهل الأهواء أنهم يحققون الإسلام نصرا فاعلم علم اليقين أن شعيرة من شعائر الإسلام وحكما من أحكامه قد غير وبدل وأن شعائر الكفار وعاداتهم وطرقهم ستلبس لبوس الإسلام فنصرهم بظاهره عند عموم المسلمين كأنه نصر لكنك إذا كنت تتدين لله عز وجل بالسنة فأنت تعلم أن في ثنايا مثل هذا النصر المزعوم هزيمة أو هزيمة ماحقة وتحريف اتباع لليهود والنصارى وسنستمع إلى مشايخنا الكرام وضيوفنا الكرام وسيتضح لكم اتضاحا تاما كاملا حين تسمعون كلمات مشايخنا وفقهم الله سيتضح لكم ثبات السنة ووضوحها وأنها لا تتغير ولا تتبدل وأنها تؤثر ولا تتأثر وأنها تغير ولا تتغير وأن الراكب في سفينة السنة والمتمسك بها لا يحتاج إلى كبير عناء إنما يحتاج إلى صدق ويقين فوضوحها بين والهداية بها حاصلة فلا يحتاج المسلم المتدين لله عز وجل بالسنة حتى يبقى في نفسه على خير ويكون مع أمتي على خير سوى أن يعتصم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمسكه بسنته وهدي الخلفاء الراشدين وهدي السلف الصالح. دونك شيخ أحمد بزمول شيخ أحمد سبيعي حفظه الله تعالى دي دونك سي تو انتان ان تومولت ou un cri, ou un vacarme, ou un tapage, ou des gens regroupés qui appellent, puis que les gens de passion prétendent qu'ils concrétisent une victoire pour l'islam. Alors sache avec certitude que l'une des injonctions sacrées de l'islam et l'un des jugements parmi ces jugements ont été changés. Et que les rites des mécréants et leurs traditions et leurs voies vont être revêtus de l'habit de l'islam. Leur victoire a l'apparence de la victoire aux yeux du commun des musulmans. Mais toi, si tu adores Allah, en pratiquant la sunna, tu sais qu'il y a dans le pli de cette victoire prétendue une déroute exterminatrice, une falsification et un suivi des juifs et des chrétiens. Puis Cheikh il dit, hafidhahullah ta'ala, nous allons écouter nos nobles chouyours et nos nobles invités et il vous apparaîtra clairement et complètement lorsque vous entendrez les paroles de nos chouyours qu'Allah leur facilite la fixité de la sunna et sa clarté et qu'elle ne change pas ni se transforme et qu'elle influence mais n'est pas influencée, et qu'elle transforme mais ne change pas elle-même, et que celui qui est embarqué sur l'arche de la sunna, et celui qui s'y accroche n'a pas besoin de grands efforts. Tout ce dont il a besoin, et ça c'est important de comprendre ça, et subhanallah alim, ça rejoint ce que nos frères disaient hier au cours de, après l'Aïcha de Hassan Somali et Abu Ayyad, hafidhahumullah ta'ala, tout ce dont il a besoin, c'est de véracité et de certitude. Sa clarté est évidente. Et la guidance par la sunna est réalisée. Et donc le musulman qui adore Allah le trio par la sunna, afin qu'il reste lui-même sur un bien, et qu'il soit envers sa communauté en bien, n'a besoin de rien, si ce n'est de s'accrocher aux recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fait qu'il s'accroche à sa sunna, et à la voix des califes bien guidés, et à la voix des pieux prédécesseurs, et Cheikh il dit, il vous apparaîtra clairement. وسيتضح لكم حين تسمعون كلمات مالا سيتضح لكم بوضوح بغير تكلف أن السنة ثابتة أثبت من رسوخ الجبال وأنها تستوعب كل زمن وكل مكان وكل دولة وأن أحكامها واضحة وبينة وأن المتدين بها فيها يكون على بصيرة وعلى حق وعلى هدى ولا يحتاج حتى يكون كذلك لا يحتاج أن يكون حاذقا في تلمس الأخبار ولا أن يكون جيدا متابعة للفضائيات ولا لمثل هذه الأمور حتى لم يرفع رأسه لمثل هذه الأشياء فهو على بصيرة وبينة وحق في كل مكان وزمان لأن السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينها أهل العلم من بعده من الصحابة وغيرهم. فالدول تتغير، تسقط دول أخرى، ويتغير الزمان والمكان، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصول السنة ثابتة وواضحة وبينة. نعم قد يعتري دعوة السنة ضعف، نعم قد تزيد في الدعوة دعوة السنة غربة، هذا قد يحصل في دعوة السنة، لكنها لا تلين لها قناة ولا تزول ولا تحول، ثابتة واضحة بينة، يضعف أتباعها ويستضعفون ويحقرون ويجاهدون ويضيق عليهم، لكنها تأبى إلا أن تكون واضحة وبينة ومستمرة وقائمة، يهتدي بها من وفقه الله عز وجل. Écoutez ces belles paroles salafi, ces nobles paroles salafi d'un noble cheikh salafi. Oh mes frères et sœurs salafi, sa clarté est évidente et la guidance par la sunna est réalisée. Et donc le musulman qui adore Allah le très haut par la sunna, afin qu'il reste lui-même sur un bien et qu'il soit envers sa communauté en bien, n'a besoin de rien si ce n'est de s'accrocher aux recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fait qu'il s'accroche à sa sunna et à la voix des califs bien guidés et à la voix des plus prédécesseurs. Et il dit le shir, il vous apparaîtra clairement lorsque vous entendrez les paroles de nos shiur avec la permission d'Allah le très haut, et ce sans effort, que la sunna est fixe et encore plus fixe que l'enracinement des montagnes, et qu'elle englobe tous les temps, et tous les lieux, et tous les pays, et que ses jugements sont clairs et évidents, et que celui qui la pratique est sur une clairvoyance, et sur la vérité, et sur une guidance, et n'a pas besoin, afin d'être tel quel, d'être expert dans la recherche d'informations, ni d'être un bon adepte des chaînes satellitaires, ni de quoi que ce soit de similaire. Même s'il ne prête aucune attention à ce genre de choses, il est sur une clairvoyance, et une preuve, et sur la vérité, et ce à tout endroit et à toute époque. Et ce car la sunna a été établie par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite par les gens de science après lui, parmi les compagnons et autres. Les états changent, un état tombe et un autre apparaît. Les endroits et les époques changent, mais la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, et les fondements de la sunna sont fixes et clairs et évidents. Cheikh il dit, ça c'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs, dans le temps de fitan où on vit. Cheikh il dit, oui, il se peut que l'appel à la sunna soit atteint d'une faiblesse. Oui, il se peut que le caractère étranger de l'appel à la sunna augmente. Il se peut que cela arrive à l'appel de la sunna, mais elle ne se montre pas accommodante. Et elle ne cesse pas d'être et ne change pas. Elle est fixe et claire et évidente. Ses suiveurs faiblissent, et ils sont affaiblis, et ils sont méprisés, et ils sont combattus, et ils sont oppressés, mais elle ne cesse d'être claire et évidente et constante et établie. Sont guidés par la sunna ceux à qui Allah le Très-Haut facilite cela. Puis le cheikh il dit, سيتضح لكم أيها الإخوة الكرام وأقول يتضح لكم من غير تكلف ولا تفلسف ولا مزيد عناء يحتاج إلى عقل ذكي أو يحتاج إلى فطانة، لا، الأمر واضح. سيتضح لكم أيضا أن هذه الدعوة الحقة الصحيحة لا يمكن أن تكون دعوة جماهيرية كما عليه الدعوة البدعية. لماذا؟ لأنها لا تطلع إلى سلطة ولا تجمع من الناس مالا ولا تريد الترأس على رؤوس الناس، إنما تريد شيئا واحدا وهو أن يخلص الدين لله عز وجل، وأن يوحد الرب جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى، وأن يقام دين الحق، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرادها وهذا خطابها لكل أحد، للحكومات الخطاب واحد، للمزارع، للنجار، للمهندس، للطبيب، للتاجر، الكل يستطيع أن يكون صاحب السنة، ينفع نفسه وينفع غيره من غير مواطأة إلا الاجتماع للسنة. ستستمعون إلى الشيخ المصري الكريم خالد عبد الرحمن حفظه الله، وستستمعون إلى الشيخ اليماني أخونا الشيخ أبو العباس عاد المنصور حفظه الله تعالى من اليمن، وستستمعون إلى أخينا أبي عبد الله خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى من الكويت، وكنا نرجو أن يكون ابن رمضان موجودا من السعودية، وإن شاء الله كما سيتبين لكم قد أتى الشيخ ابن رمضان في آخر الدورة من غير مواطأة ومن غير ترتيب مسبق، ستجدون كل منهم ينطلق في كلامه، من يصب كلامهم كلهم وجهة واحدة. لماذا؟ لأنها وحدة المصدر ووحدة المصادر ووحدة الأئمة ووحدة مصدر العلم، هذه الوحدة الحقيقية يعني علم التوحيد لله عز وجل، هي التي تجيب اجتماعا بين أهل السنة والألفة والمحبة وتعاونا ما لا تستطيع الأحزاب والجماعات عشر معشاري هي مهما ابتدعت من بدع حتى تقوي من كفة نفسها، تارة بتحزبات الباطلة وتارة بفرض الطاعة المحرمة وتارة بإثارة القضايا السياسية التي تلامس عواطف الناس وتارة بالأموال وبالسلطة وبغير ذلك، كل ذلك حتى يضبط أنفسهم ويقوي شوكتهم ويجدون كيانات موحدة، لكن كيانات موحدة في حقيقتها مختلفة. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Ahmed Bezmoul, Cheikh Ahmed Soubeiri, toujours dans cette introduction, il dit, il vous apparaîtra clairement au nom des frères, et je dis qu'il vous apparaîtra sans effort, ni philosophisme, ni effort additif. Il dit, Cheikh, cela requiert une raison intelligente, ou requiert une sagacité. Il dit, Cheikh, non, l'affaire est claire. Il vous apparaîtra clairement également que ce prêche de vérité authentique ne peut être un prêche d'amassement de gens, comme le sont les prêches sectaires. Pourquoi? Car ce prêche ne porte pas son regard vers le pouvoir et n'amasse pas d'argent venant des gens et ne cherche pas à présider les gens. Mais ce que ce prêche, cette da'wa cherche, c'est une seule chose, que la religion soit vouée de manière sincère à Allah et l'unicité du Seigneur, comme il s'y a à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et que la religion des vérités soit établie et que le prophète, alayhi salatu wa salam, soit suivi. Voilà son but et voilà son discours à tous, aux gouverneurs, au gouvernement, le discours est unique, aux fermiers, aux menuisiers, aux docteurs, aux commerçants. Tous peuvent être des gens de la Sunna, bénéficiant chacun sa propre personne et faisant bénéficier autrui sans connivence, si ce n'est le rassemblement sur la Sunna. Et Cheikh il dit, et vous allez écouter le noble Cheikh égyptien Khalid Abdurrahman, qu'Allah le préserve. Et vous allez écouter le Cheikh yéménite, notre frère, Cheikh Abou l'Abbas, Adel Mansour, qu'Allah le trouve le préserve. Et vous allez écouter notre frère, Cheikh Abu Abdillah Khalid ibn Dahoui al-Zoufairi du Koweït, qu'Allah le préserve. Et nous espérions la présence, et vous allez voir en cours d'aujourd'hui, dans les cours prochains, Inch'Allah, vous allez voir que le Cheikh est venu, c'est Cheikh Mohamed bin Ramzan al-Hajiri, venant d'Arabie Saoudite. Et ce sans connivence, et sans organisation préalable, vous allez voir que chacun d'entre eux, son discours part de la même source. Et que leur discours a tous vont dans le même sens. Pourquoi le Cheikh dit ? En raison de l'unité de la source, et de l'unité des imams, et de l'unité de la source, de la science, et c'est cela la réelle unité. Quand vous voyez les frères, vous avez des salafis, hein, des frères et des sœurs salafis qui sont en Gambie, au Sénégal, hein, au Maroc, en Algérie, au Vietnam, au Cambodge, en Inde, en Angleterre, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, hein, où qu'ils soient, eh bien leur discours il est le même. Leurs références sont les mêmes. Les ulama parmi les anciens qu'ils suivent et les ulama contemporains qu'ils suivent sont les mêmes. Vous allez trouver parmi les ulama contemporains qu'ils suivent Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Ahmed Bezmoul, Cheikh Sulaim al-Ruhayli, Cheikh Salih al-Suhaimi, Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Salih al-Fouzan, Cheikh Salih al-Luhaydan, Al-Mufti, Cheikh Abdel Azali Cheikh, Cheikh Zayd al-Madkhali, Cheikh Mohsin al-Abbad, Cheikh Abdel Bukhari et d'autres mashaykhs que je n'ai pas cités parce que la liste n'est pas exhaustive. Cheikh Mohamed Bezmoul et d'autres. Cheikh Salih Ali Cheikh, hein? Ça c'est, là j'ai cité, hein, que c'est les gens d'Arabie Saoudite, sans parler de Cheikh Hassan Banna, Cheikh Ruslan, et Cheikh Ali Abdurrahman qu'on va le voir, et Cheikh Khaled Othman, et d'autres parmi les Cheikhs d'Égypte et du Yémen, etc. Et Cheikh, il dit, la science de l'unicité d'Allah, le trio, qui rend obligatoire un rassemblement entre les gens de la Sunna, et l'amour, et une entraide dont les parties. Et c'est vrai, c'est tel est le salafi. Il est rassemblé avec ses frères. Et il aime ses frères. Et il s'entraîne avec ses frères. Et Cheikh il dit, et les groupes et les partis ne sont pas capables, même pas du centième de cela, quelles que soient les innovations religieuses qu'ils innovent, afin de se renforcer, parfois par de faux partis pris, et parfois en obligeant à l'obéissance illicite, et parfois par la stimulation des affaires politiques, qui touchent les sentiments des gens, et parfois par l'argent, et le pouvoir, et d'autres choses. Comme l'association Hezbiya qui est très connue, c'est Ihya Touraf, du Koweït, qui corrompt sur terre avec ses dinars koweïtiens. Tout cela afin qu'ils s'accordent et se fortifient et trouvent des garanties unifiées, mais ces garanties unifiées sont en vérité divergentes. Et c'est ce que le cheikh il dit. كما قال ربنا جل وعلا إنكم لفي قول مختلف وكما قال ربنا تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Cheikh cite un verset du Coran. Il dit, dans la traduction du sens est, vous divergez sur ce que vous dites. Surat al-Zariyat, verset 8. Et comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la prière, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Surat al-Rum, verset 31-32. Cette unité des gens de la Sunna, hadhihi al-wahda في المصادر وسيتضح لكم أيضا أنها ليس عندنا أننا ليس عندنا فقط علم بالحق لكن علمنا بالحق أمامنا نماذج وقدوات وأسوات من أئمة السنة طبقوا هذا الحق في حياتهم ودعوا إليه الناس هم أسوتنا كل ذلك سيتضح لكم إن شاء الله تعالى من خلال كلمة المشايخ الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم ويسددهم وينفعهم وينفع بهم نبدأ بالشيخ يعني شيخ خالد عبد الرحمن المصري السلفي حفظه الله تعالى ووفقه الله تعالى شيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى الشيخ الله عز وجل nous a comblé par sa visite ici à Birmingham donc on a pu rencontrer شيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى et que dire le شيخ d'un autre noble شيخ le شيخ طارق السبيعي et il dit s'imiter des gens de la Sunna est dans les sources. Et il vous apparaîtra aussi clairement que nous n'avons pas qu'une science de la vérité. Mais notre science de la vérité, nous avons devant nous des exemples et des modèles parmi les imams de la Sunna qui ont mis cette vérité en application dans leur vie et y ont appelé les gens. Et ça, on peut citer un exemple. L'imam Ahmed. Hein? Et vous connaissez son histoire, on en parle beaucoup dans nos douloureuses, on en a beaucoup parlé dans notre cours Rasoul Sunna de l'imam Ahmed. Et je m'adresse aux frères ici qui sont présents chez moi à la maison, qui sont les bienvenus, qu'Allah les préserve, elle nous préserve et les préserve. Hein? L'imam Ahmed, un exemple concret, qui a mis cette application de la Sunna dans sa vie, et que nous a laissé un exemple à suivre. Et Cheikh El dit, ils sont notre modèle. Tout cela vous apparaîtra avec la permission d'Allah le Très-Haut, à travers les paroles des chouyours pour lesquelles je demande à Allah le Très-Haut de leur faciliter et de les affermir et de leur faire bénéficier et de faire bénéficier par eux. Et Cheikh dit, nous commençons par Cheikh Khalid Abdurrahman, qu'Allah le préserve. Donc maintenant, tout ce qu'on va dire après maintenant, et après on va s'arrêter après ça, Inch'Allah, tout ce qu'on va dire, et j'espère qu'on terminera avant la salah, parce que la salah ici chez nous, elle est à 19h45. On verra, Inch'Allah. À la Kouli Han, aujourd'hui, on fera d'office pas plus que ce qu'a dit Cheikh Khalid Abdurrahman. يقول الشيخ عبد الرحمن في خطبة الحاجة nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux, contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il y a des divinités adorées avec vérité qu'Allah, lui seul, il n'a aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. La traduction de la sens de la parole d'Allah dit « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Et c'est le verset 3 de Surat Ali Imran, le verset 102 de Surat Ali Imran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Oh homme, avec un grand H, craignez votre Seigneur que vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes, craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Sourate Nisa, et c'est le premier verset. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sourate l'Ahzab, verset 71-72. Cheikh Khalid Abdrahman, vous allez voir que c'est une allocution qui est magnifique. Pour que les frères et sœurs salafis vont beaucoup apprécier, Inch'Allah. Et c'est pour ça que j'ai voulu la partager avec vous. Il dit, Cheikh Khalid Abdrahman al-Misri, hafidhahullah ta'ala, An-nasu fil fitan wal bala wal mihan ala asnaf. وقد قص الله عز وجل علينا قصص من مضى من الأمم لنعتبر ونعتسي بالصالحين منهم ونعتبر وننزجر عما وقع لأهل السوء المخالفين لطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى مخبر عن اليهود وعن أصنافهم في تعاملهم مع أمر الله تبارك وتعالى في ذلك ما قص الله علينا حين قال الله عز وجل في كتابه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى دي: les gens sont dans les troubles et les épreuves et la fiction différentes catégories. Et pour les frères qui ont écouté les réfutations de notre frère Hassan Abou Asma حفظه الله تعالى وجزه الله خيرا pour sa défense de la Sunna, n'en déplaise, Rahma Ounouf. Hein? Man la yarda bi dhalik, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas cela. Eh bien, Hassan, il a fait référence à cela. Au tout début de son premier cours. Et il avait raison. Et il a des salafs. Et il parle avec expérience. Hein? Connaissez la valeur de Hassan, ya ikhou akhawat. Connaissez la valeur de Hassan, hafidahullah ta'ala. Et je dis ça, il n'est pas là. D'après ce qu'on sait, peut-être qu'ils nous écoutent sur Paltalk aussi, hein, connaissez la valeur de Hassan. C'est quelqu'un que je connais très personnellement. Hassan, actuellement, d'ailleurs, maintenant, il est en France, il est en train de faire da'wah. Hein? Hafidhahullah ta'ala. C'est un frère qui est beaucoup plus âgé que nous, qui arrive à la soixantaine, hein, qui a beaucoup d'expérience dans la da'wah, qui sait ce qu'il dit quand il parle, et qui est très très proche des ulama. Et il ne fait rien sans revenir aux ulama, contrairement à d'autres. Les gens sont dans les troubles et les épreuves et l'affliction en différentes catégories. Et Allah le Très-Haut nous a conté les récits des communautés qui nous ont précédés afin que nous tirions des leçons et prenions exemple sur les vertueux parmi eux. Et que nous tirions des leçons et que nous nous tenions à l'écart de ce qui est arrivé aux gens du mal qui ont transgressé la voie des prophètes. Regardez encore une fois l'importance du Coran. Et c'est quelque chose, alhamdoulilah, que j'ai vu en Belgique chez les frères à qui on faisait da'wah et qu'on a éduqué, etc. Alhamdoulilah, en tout cas certains d'entre eux, ils ont cet attachement au Coran, même certains ont fini le Coran, alhamdoulilah. Hein? Eh bien, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que l'importance du Coran, qui parle d'Allah Azza wa Jal. Salafi, il doit être versé dans les sciences du Coran, la mémorisation du Coran et le tafsir du Coran. Et vous allez voir, notre ménage, il est basé sur quoi? Le Coran, le Sunna et le Sahaba. العلم قال الله وقال رسول وقال الصحابة وهم والعرفاني ابن القيم رحمه الله ظلمونيا كيف كي لدي في صفهم لدي العلم السيانس الله دي سو مساجي دي عليه الصلاة والسلام اللي صحابة دي اللي كوبانيو دي يغدي كما الشيخ دي سيفرسي بسورة الأعراف يغا بخوند autant de bénéfices dans le منهج dans la méthodologie des gens de la sunna wal jamaa des gens de la sunna du consensus. Cheikh il dit, et fait partie de cela ce qui est rapporté dans la parole d'Allah qui nous informe des juifs et de leurs différentes catégories dans leur manière de se comporter envers l'ordre d'Allah le Très-Haut. Et vous allez voir que, et vous avez certains peut-être vu, pour les frères plus expérimentés dans la da'wah, hein, qui ont déjà vécu dans la da'wah, quand certains vont aller dans la da'wah, etc., dans la salafia, ils ont vu ça à chaque fois, dans le fitan, différentes catégories de gens. Et vous allez voir qu'elles sont au nombre de trois. Comme l'a dit Hassan, comme l'a dit Cheikh Abdurrahman, et comme l'a dit Nu'ulama. fait partie de, ce que, de cela ce qu'Allah le prie, nous a compté dans sa parole, dans la traduction du sens est. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit, ah, vous allez voir c'est quel groupe ça après, Inch'Allah. Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent pour dégager, ça c'est notre groupe, ça c'est Ta'ifa allati tasta'u bil haqq, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Surat al-A'raf, verset 163 à 165. Écoutez maintenant le tafsir. Donc maintenant, à partir de maintenant, c'est du tafsir, inshallah. Hein? Jusqu'à la fin. Et de fawaid manhajiyya, tiré de ce tafsir-là. Hadi ayat mubarakat, yanbaghi an yatadabba al-mu'min. Fa inna Allah azza wa jal يبين من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين صدقه ويبين أن هذا القرآن إنما هو وحي من الله. يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام واسألهم سل هؤلاء أهل الكتاب من اليهود سلهم عما علموا صدقه وعلموا خبره بالتواتر الذي نقل إليهم عن آبائهم وأجدادهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية من هؤلاء الناس من بني إسرائيل كانت قرية قريبة أو كانت قرية قريبة من بحر الماء، وهذا البحر كعدد البحار جعل الله فيه النعم، ومن ذلك ما جعل فيه السمك اللحم الطري الذي أنعم الله به على العباد. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي إذ يعتادون ويتعدون أمر الله عز وجل لا يصيد يوم السبت. ولذلك كما جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله من كان أو من قبلنا من الأمم عن يوم الجمعة فاليوم لنا أي الجمعة وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فيوم السبت حرم الله عز وجل على هؤلاء اليهود أن يباشروا الصيد فيه، وحينئذ ابتلاهم الله في قرية تأتي الحيتان. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي قريبة من البحر، قريبة من البحر. Écoutez, regardez, c'est pour ça que nous ne pouvons pas se passer de la compréhension des gens de science par rapport au Coran et la Sunna. Nous n'aurons pu lire ces versets, on ne les aurait pas compris de cette manière-là. Cheikh il dit, ces versets bénis de Sourate Al-A'raf, il incombe aux croyants de les méditer, car Allah, le Très-Haut, met en évidence des preuves de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, et met en évidence sa véracité, et met en évidence que ce Coran n'est rien d'autre qu'une révélation d'Allah. Allah, le Très-Haut, dit en s'adressant à son prophète alayhi salatu wassalam, selon la traduction du sens est, et interroge-les. Interroge ceux-là, les gens du livre, les juifs. Interroge-les sur ce dont ils ont connu la véracité, et ceux au sujet duquel ils ont connu l'information, et ceux avec tawatur. Dans un des cours qu'on a fait, je vais expliquer c'est quoi le tawatur. On a dit que c'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs, qui rend d'habitude impossible qu'ils soient de connivence et concordent sur un mensonge. Et ceux avec tawatur qui leur a été rapporté par leurs pères et leurs aïeux. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Une cité de ces gens parmi les fils d'Israël, qui était proche d'une mer. Et cette mer, comme c'est le cas avec les mers, hein, le bahar, ou le bihar, les mers, ou les océans si vous voulez, Allah y a mis des bienfaits. Parmi ces bienfaits, ce qu'il y a mis comme poisson, la viande fraîche qu'Allah a donné comme bienfait aux serviteurs. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'ils ont transgressé le sabbat, c'est-à-dire lorsqu'Allah leur a ordonné de ne pas pêcher le samedi. Et c'est pour cela, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques, avec des formulations différentes, que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, Allah a égaré du vendredi les communautés qui nous ont précédés. Ce jour-ci, c'est-à-dire le vendredi, est donc pour nous, et demain pour les juifs, et après demain pour les chrétiens. D'ailleurs, j'ai tweeté cette semaine, pour les frères qui suivent sur Twitter, j'ai tweeté une faïda par rapport à ça, et ça prouve que les autres communautés nous suivent. Et que nous, les communautés, elles seront après notre communauté dans le jugement, etc. Dans notre haut paradis, etc. Cher Eddy, donc Allah le Très-Haut a interdit à ses juifs d'être pécés ce jour-là, le samedi, et donc Allah les a éprouvés dans une cité où les poissons arrivent et interrogés au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Une cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgressait le sabbat, et dernièrement j'ai discuté avec quelqu'un qui est intéressé en islam, hein, et qui est juif à la base, et il a reconnu lui-même, il a dit quelque chose qui lui-même le tenait à l'écart quelque part de sa religion et de ses co-religionnaires, c'est ce qu'ils voient dans leur transgression, dans leur ruse qu'ils utilisent le samedi, etc. Donc, ils savent eux-mêmes, hein, les ruses, ils connaissent eux-mêmes les ruses qu'ils utilisent et comment ils transgressent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on disait lorsqu'il est transgressé le sabbat. Car il transgressait et allait pécher le samedi Allah, alors qu'Allah leur a ordonné de ne pas faire cela. Écoutez, regardez le Coran. Hein? Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Id ya'duna fi s-sabt. Id ya'taduna wa yadhhabuna yasudun yawm as-sabt, hina amarahum Allah an la yaf'alu. Id ta'tihim hitanuhum yawm as-sabtihim shurra'a. Shurra'a, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans... comment ces poissons ils venaient à eux. Regardez Allah comment ils les avaient prouvés. Shurra'a. Ici le cher dit, et il cite le verset dans la traduction du sens est, lorsqu'on y transgressait le sabbat. Car ils transgressaient et allaient pécher le samedi, alors qu'Allah leur a ordonné de ne pas faire cela. Shurra'a, al-shira'a. Wa kullu ma zahara min asli shi' wa minu shira'a al-safina. Ay, al-shi' ومنه مضى الشراع هو كل مظهر من أصل الشيء ومنه شراع السفينة أي تقبل هذه الحيتان يوم السبت شارعة ظاهرة يرونها بأعينهم وقد منعوا أن يصيدوها. كنت سفائدة يسكر الشيخ دي إذي يوم السبت هم شراع Shura, Ashira, dans la langue arabe, c'est tout ce qui apparaît de la base d'une chose, et on dit à ce titre, Shira ou Safina. Shira d'un navire qui apparaît. C'est-à-dire que ces poissons venaient apparents le samedi. Ils pouvaient les voir de leurs propres yeux. Alors qu'il avait été interdit de les pêcher. Puis Shira, il continue, il dit, قال تعالى, et ta'tim, hitan, ou yom asabtim, shura. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم أي فإذا مضى يوم السبت ذهبت الحيتان ولم تأتيهم هذه الحيتان إلا في يوم السبت الليل أن يصيدوا فيه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أي جعل الله عز وجل ذهاب الحيتان إذا بعد أو إذا غاب يوم السبت جعل الله ذهاب الحيتان بلاء فجعل الله الحيتان تأتي لهؤلاء في يوم نهاهم الله عز وجل عن الصيد فيه فإذا مر ذلك اليوم فنهد الحيتان تمضي إلى سبيلها ولا يرونها وتفوت المصلحة عليهم غتنس من المصلحة بس كنت أخبرني غاسا بخير لا أفاكم سأخذ الفوائد المنهجية إن شاء الله. Chérin cite les versets du Coran dont la traduction du sens est que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur sabbat. Et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. C'est-à-dire que lorsque le samedi était passé, les poissons s'en allaient. Et ne venaient que le samedi où leur avait été interdit de pécher. Alors le très haut dit, selon la traduction du sens est, que leurs poissons venaient à eux faisant surface, shura'a, au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cela une épreuve pour eux en raison de leur perversité. Car la perversité, écoutez bien cette fa'idah-là ici, et ça rejoint encore une fois le cours d'hier qu'on a eu à la mosquée, hein, qu'il y a beaucoup de gens, ils se plaignent du gouverneur, hein, ils se rebellent contre le gouverneur, à tel point que maintenant en Égypte, les gens ils se rebellent de nouveau contre ceux qui étaient rebellés, etc. Hein, et c'est un cycle sans fin et les gens continuent à mourir. Hein, il faut savoir qu'il y a des viols collectifs à la place Tahrir. Il faut savoir ça. Hein. Yanni, les témoignages des gens qui ont vu ça, yani, c'est gravissime ce qui se passe là-bas. Au nom de quoi? De l'islah. Hein, vous vous rappelez ce qu'il a dit hier, les qawaïd par rapport à l'islah, par rapport à c'est la voie de la rectification. Hein? Tout ça au nom de quoi? De la rectification. Subhanallah. Hmm? Pourquoi on n'a pas assez d'argent, le hakim prend tout l'argent, on veut de l'argent, on veut du travail, on veut ceci, ceci. Écoutez, le manège, il est clair. Est-ce que ce que le frère hier a dit en cours, hein, c'est quoi? C'est que c'est pour se réformer soi-même. Et vous allez comprendre ici qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et écoutez ce que dit le shir. Il dit Eija'allahu hada bana'an lahum bisababi fisqim fa'ina al-fisqa yamna'u khayr al-rizqi wa'ina al-abda bifisqihi يبتلى بأن يحرم من الرزق وإن المعاصي تذهب البركة وتأتي بالخبث والظلم ولذلك قال الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وحينئذ نتدبر أن الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن أمر يرونه خيرا لهم ينهاهم عن أمر فيه مصلحة ظاهرة وليس مصلحة وهو الرزق الذي أتى الله عز وجل به وهو اللحم الطري الذي أنعم الله به على العباد لكن هذه المصلحة وهذا الرزق حين يحرمه الله يكون وبالا وشرا وإن كنت أنت ترى الخير فيه ولذلك فإن باب المصالح والمفاسد ليس بعقول الناس باب المصالح والمفاسد بقواعد الشرع. On continue, Cheikh il dit, et c'est le verset du Coran dans la traduction du sens est, que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. C'est-à-dire qu'Allah a fait de cela une épreuve pour eux, en raison de leur perversité, car la perversité empêche le bien de la provision. Et le serviteur en raison... Et on sait très bien que le contraire est vrai, c'est quoi? C'est-à-dire que ta'a, hein, c'est un sabab, hein, de quoi? De baraka de risque, ça, Allah. Omer taqillah. Et j'allais au makhra de verzoukou, min hasil ahtasib. Et le serviteur, en raison de sa perversité, est éprouvé par la privation de provision. Et les péchés font disparaître la baraka. Et amènent la débauche et l'obscurité. Et c'est pour cela, ou plutôt l'injustice. Et c'est pour cela qu'Allah le trio a dit, selon la traduction du sens est, ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Donc nous méditons, et c'est comme ça que le salafi doit être, il doit lire le Coran, il doit vivre avec le Coran. Et je vous conseille vivement une vidéo d'ailleurs que, je ne sais pas si elle a été traduite en français, mais en anglais elle a été traduite, c'est Harun Alek de Cheikh Raslan. C'est quelqu'un qui se sent un peu fainé, hein, il sent un peu mou vis-à-vis du Coran, et c'est un peu comme si peut-être qu'il boycotte un peu le Coran, et bien qu'il regarde cette vidéo et qu'il écoute ce maqta' sauti de Cheikh Raslan, Inch'Allah ça va le réveiller, Inch'Allah. Honte à toi. Cheikh Raslan, honte à toi. Shame on you en anglais. Et Cheikh, il dit, donc nous méditons, comme je dis, c'est comme ça que c'est la filtre, de vivre avec le Coran, lire le Coran, méditer sur le Coran, lire le tafsir du Coran. Donc nous méditons quant au fait qu'Allah le Très-Haut leur interdit une chose que eux voient comme étant un bien. Il leur interdit une chose dans laquelle c'est la provision qu'Allah a donnée, la viande fraîche, dans laquelle Allah a comblé ses serviteurs. Mais cet avantage, cette provision, lorsqu'Allah les interdit, devient un mal et quelque chose de néfaste, et ce même si toi tu y vois le bien. Et c'est pour cela que le sujet des avantages et des désavantages, nous on traduit comme ça, le mafas de masalih. Eh bien, n'est pas apprendre, cette traduction rapprochée, n'est pas apprendre par les raisons des gens, mais le sujet des intérêts et des désavantages ou des avantages et des désavantages est à prendre par les règles de la religion. Comprenez bien ça, parce que c'est une règle en or, ça. Bab al-mafaz al-masalih, laysa bil-uqul, innama huwa bi-qawa'id al-shara. Et là, Cheikh, il va un peu détailler par rapport à ça, inshallah. Quand vous voyez tous ces gens qui crient, hein, qui font du vacarme, du tapage, etc., sous toujours la bannière et l'étendard de la rectification prétendue, nous on dit, hein, et bien c'est quoi? Masalih, mafas, c'est ça qu'ils vont vous amener, ils vont dire non, c'est le maslaha, hein, etc. Et c'est important de comprendre aussi que c'est qui, même le cadre de cette autre règle que le cheikh dit pas ici, mais que je vous rapporte de ma chère, c'est qui, même le cadre de masalih al-mafas? Les ulama, c'est les ahl al-ilm. C'est eux qui savent c'est quoi le mafsada, le maslaha, et qui connaissent les règles par rapport à ça, etc. Et quand il y en a les deux, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Hein? Cheikh, il continue en disant ولذلك تأملوا كيف جاء عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة فمنعه المشركون في قصة صلح الحديبية. Je sais pas si vous connaissez cette histoire de صلح الحديبية. Un salafi, c'est important qu'il connaisse cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de fawaïd. C'est ce qu'on appelle quoi le pacte, si vous voulez, de l'Hudaybiyya. وهذا عند البخاري وغيره ويعلمه عامة أهل السنة من العلماء وطلبة العلم. فلما ارتضى النبي عليه الصلاة والسلام بشروط هي في الظاهر مذلة وهكذا سماها عمر كما سيأتي حينئذ كيف تقاس المصالح مع عقل عمر رضي الله عنه. فلما ارتضى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الشروط كما روى البخاري في الصحيح وغيره جاءه عمر قال يا رسول الله أنا أسمع الحق. Je vais dire une faïda par rapport à ça qui sont pas mal compris vers Omar, mais je la rapporte après en français, Inch'Allah. Omar, qu'est-ce qu'il a dit au messager de l'Ansar? Il a dit Ya Rasulallah, alaysna ala al-haq? Qala bala. Qala alaysu ala al-batil? Alaysa qatlana fi al-jannah? Alaysa qatlahum fi al-nar? Qala bala. Qala fa'ala ma nu'ti al-dani'ata fi dinina? ونرجعوا ولم يحكم الله بيننا وبين عدونا قال يا عمر كنت لا ريبونس من سجد الله صلى الله عليه وسلم vous allez voir que le prophète il a pas dit, il a pas dit les sagesses de ça, il a juste donné cette réponse. إني رسول الله وإني لا أعصي الله قال أي عمر فذهبت إلى أبي بكر يا أبو بكر la réponse aussi فقلت له مثل ما قلت للنبي عليه الصلاة والسلام السلام. فقال أبو بكر إنه لرسول الله وإنه يطيع الله ليس يعصيه. الله أكبر. فأتأمل هذه الحكمة العظيمة. عقل عمر رضي الله عنه واعتني بعقل من أئمة زمانك كعقل عمر وفضل عمر. الشيخ الدي. et puis va rapporter le fadail de عمر. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Hafidahullah Ta'ala? Et c'est pour cela méditer quant à Omar Kalal Agré, qui, comme cela est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari et d'autres, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a voulu entrer à la Mecque, en a été empêché par les associateurs. Comme cela est rapporté dans le récit du pacte d'Al-Hudaybiyya. Et cela a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres, et cela est connu par tous les gens de la Sunna, parmi les savants et les étudiants en sciences islamiques. Et donc, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a accepté des conditions, écoutez bien ici, qui sont en apparence une humiliation, et c'est comme cela que Omar l'a appelé, ou un déshonneur si vous voulez, comme nous le verrons, et comment donc les intérêts vont être mesurés avec la raison de Omar, qu'Allah l'agré. Lorsque le prophète a accepté ces conditions, comme cela est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique et d'autres, Omar vint à lui et lui dit, « Oh, messager d'Allah, ne sommes-nous pas sur la vérité ?» Hein? Et attention, va croire que Omar, il s'oppose, comme les ulama disent, comme Cheikh l'Éthiopie dit dans le char de ce hadith-là, il ne faut pas croire qu'Omar il s'oppose. Mais en fait, il veut que se dévoile ce qui est, hein, ce qui n'est pas apparent, il veut savoir. D'accord ? C'est pas l'opposition, attention. C'est pas l'opposition messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ne sommes-nous pas sur la vérité ? Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, alayhi wa sallam ? Oui, certes, oui. Omar dit, ne sont-ils pas sur le fond, au paradis, et leurs tués ne sont-ils pas dans l'enfer ? Il répondit, certes, oui. Omar dit, pour quelle raison donnerions-nous donc aux associateurs ? Hein ? C'est une traduction du sens vis-à-vis des shurouhs de ce hadith que j'ai regardé dans les shurouhats. Le déshonneur dans notre religion et retournerions-nous à Médine, aussi dans le charh, jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous notre ennemi. Et il dit, oh Omar, écoutez la réponse du prophète, alayhi wa sallam. Je suis le messager d'Allah et je ne désobéis pas à Allah. Il n'y a pas dit les sagesses, comme on va le voir dans un instant, inshallah. Omar dit, je me rendis chez Abu Bakr. Et je lui dis, comme j'avais dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr dit alors, oh Omar, il est certes le messager d'Allah, et il obéit certes à Allah, et il ne lui désobéit pas. Cheikh il dit, médite donc sur cette grande morale, une raison comme celle de Omar, qu'elle a l'agré, et amène-moi le Cheikh il dit, amène-moi une raison de l'un des imams de ton temps, comme la raison de Omar et la préscience de Omar. Et puis il va illustrer ça, rapporter un hadith sur Fada'il de Omar. On va voir c'est qui Omar radiallahu anhu, Al-Farouq. Le deuxième calife, parmi les quatre califes de l'islam, parmi un, le deuxième, hein, parmi les sahaba qu'on va voir dans un instant, inshallah. Après qui? Après Abu Bakr. Et Abu Bakr est après qui? Après dans cette communauté? Après Mohammed alayhi salatu wassalam. Regardez la position de Omar. قد روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر من دي بلاز الروافل بس بخوفة عزيزي يتذيبهم إلا انتوضيتكم يدخلوا الروايات وكان ذلك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك on a dit quoi كنا نقول ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي خير هذه الأمة بعد نبيها Abu Bakr, ثم Omar. قال في بعض الروايات عند البخاري فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رجل بعقل عمر ورجل بتقوى عمر عاقرة السنة في باب الفضل في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرهم أبو بكر وأنه يليه من؟ عمر. ومع ذلك ما نظر إلى الأمر؟ كيف نظر إلى الأمر؟ غلب رضي الله عنه على إدراك الأمر قال لماذا نعطي الدنية قبول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الشروط المجحفة المضرة كيف سماها عمر رضي الله عنه دنية في الدين أي أننا نقهر على ديننا ونرضى بالدنية في ديننا ونرضى أن يعلو علينا عدونا لماذا فالمقاتل والمجاهد إذا كان قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فلماذا نعطي الدنية حينئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله وإني لست أعصي الله ثم يذهب عمر ويشكو الشكوة عينها إلى أبي بكر فيتوافق جواب أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مواطأة هذا باب عظيم بإدراك المصالح والمفاسد أنا ليست بعقول الناس المصالح والمفاسد بقواعد الشريعة Al-Bukhari a rapporté dans l'authentique, d'après le hadith d'Ibn Omar, c'est-à-dire le fils de Omar, qu'il a dit, nous disions du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr, puis Omar. Et il dit dans certaines versions chez Al-Bukhari, et cela parvenait au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc un homme avec la raison de Omar, et la piété de Omar, La croyance des gens de la Sunna du consensus en ce qui concerne la préscience des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est que le meilleur d'entre eux est Abu Bakr et que le suit Omar. Et malgré cela, comment a-t-il vu l'affaire? Et je rappelle que c'est un point qui partait au fond de la Sunna al-Jama'a. Que papa Moutadi a créé des choubouhad. Et ça, on a parlé de ça dans son sommet de l'imam Ahmed. Comment a-t-il vu l'affaire? Il n'a pas pu comprendre l'affaire et il a dit, pourquoi donnerions-nous donc aux associateurs le déshonneur dans notre religion? Comment a-t-il appelé l'acceptation de ces conditions désavantageuses et préjudiciables par le prophète alayhi salatu wassalam? On a dit dans ce qui était quoi? Apparent. Comment les a-t-il appelés? Omar Kalal Agré les a appelés un déshonneur dans la religion. C'est-à-dire, nous sommes contraints à notre religion et nous acceptons le déshonneur dans notre religion. Et nous acceptons que notre ennemi soit plus élevé que nous. Pourquoi? Combattons et faisons le jihad si nos tués sont au paradis et nos tués en enfer. Pourquoi donnerions-nous le déshonneur? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors, je suis certes le messager d'Allah et je ne désobéis pas à Allah. Puis Omar part et se plaint de la même plainte à Abu Bakr. Et la réponse d'Abu Bakr sera conforme à la réponse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sans qu'il ne soit de connivence. Chers amis, c'est donc un sujet d'une grande importance afin de cerner les avantages et les désavantages qui ne sont pas vus en fonction des raisons des gens. Les avantages et les désavantages sont en fonction des règles de la législation. Et Cheikh il dit, بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفَ هَذِهِ هِيَ الْمَصَالِحِ وَهَذِهِ الَّتِي يَجِبُ اعْتِبَارُهَا لَمَصَالِحِ الْعُقُولِ الَّتِي تَحْتَاجُ أَنْ تَعْقِلَ مَا تَقُولُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُخْبَرْ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِكَمِ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ كلمة واحدة إني رسول الله ولست أعصي الله وإني أطيعه ولست أعصيه ثم بعد ذلك يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ثم عند البخاري وغيره وفي الطريق تنزل سورة الفتح فيدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر فيأتي عمر وقد خشي أن يكون قد نزل فيه القرآن ثم يقرأ عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جعل الله عز وجل هذا فتحا وهو في الظاهر في تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البخاري فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. فالفتح والدنية تقاس بمقاييس الشريعة لا بالأهواء ولا بالعقول الفاسدة التي تخالف النصوص. ولذلك كان سلفنا الصالح يتعاملون في أبواب المصالح والمفاسد بنصوص الشريعة. شيخ يقول les avantages et les désavantages sont en fonction des règles de la législation, de ce qui venait d'Allah et de son messager عليه الصلاة والسلام, en fonction de ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Ce sont donc les avantages qu'il faut considérer, pas les avantages des raisons qui ont besoin de penser à ce qu'elles disent. Puis ensuite, Omar n'a été informé en rien concernant les sagesses. Mais une seule parole lui a été dite. Je suis le messager d'Allah. Et je ne désobéis pas à Allah. Et je lui obéis, je ne lui désobéis pas. Puis ensuite le prophète alayhi salatu wassalam revient, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, et sur le chemin, la sourate Al-Fath est révélée, et le messager d'alayhi salatu wassalam appelle Omar qui vient, ayant peur que des versets du Coran aient été révélés à son sujet. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui récite le verset. On a déjà parlé de ça, vous vous rappelez qu'on a parlé de dans Sifat Salah, de certaines manières de lire le Coran. Revenez, inshallah, ça. On avait cité ce verset-là. Le prophète A.S. lui récite les versets dont la traduction du sens est « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. » Surat al-Fath, c'est le premier verset. Car Allah le Très-Haut a fait de cela une victoire éclatante. Alors qu'en apparence, dans l'explication de Omar, quand la grille qui est rapportée par le Bukhari, pourquoi donnerions-nous aux associateurs le déshonneur dans notre religion? Donc la victoire et le déshonneur sont mesurés en fonction des mesures de la législation et pas par les passions ni par les raisons corrompues. qui oppose les textes. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs se comportaient en ce qui concerne l'affaire des avantages et des désavantages en fonction des textes légiférés. Yaroui al-Bukhari fi sahih, qala ba'du tabi'in, qala atayna. Écoutez le mawqif des salaf. Hein? Et je demande à Annie, au frère Annie, de ne pas m'envoyer des messages en privé pendant que je fais le cours, qui s'adresse au responsable du salon Barakallahu Fikoum. Qala atayna Anasa ibn Malik, fa shakana ilayhi man qama min al-Hajjaj. On a déjà parlé, c'est un cours que je n'ai pas encore fait à Birmingham, mais que j'ai fait dans plusieurs villes. C'est un cours des Cheikh al-Bukhari qui s'appelle la réalité de la taqwa. On définit la taqwa, la fameuse définition de Tariq ibn Habib, etc. Et rapporte le contexte dans lequel la fitna qui arrive à l'époque de. Ce qu'on appelle la fitna ibn al-Ash'af, à l'époque de la Hajj Yusuf Staqafi, où le calife c'était Abdel Malik ibn Marwan, etc. On avait rapporté pourquoi la définition de la fitna, elle avait été, de la piété, elle avait été rapportée dans ce contexte-là. Parce qu'il y avait une fitna, hein, il y a beaucoup de gens qui mouraient, etc. Et les gens ont demandé à Tariq ibn Habib comment se comporter. Il leur a dit Atfi'uha bi taqwa, Atfi'uha bi taqwa. Il leur a dit c'est quoi la taqwa ? Il a donné la définition de la taqwa qui est connue, hein, qui est disponible en PDF et en audio sur notre site, spfbirmingham.com. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà parlé de la Hajjaj. Mais là, on va dire encore d'autres choses, on va plus encore voir c'est qui le Hajjaj. Et que malgré comment il était le Hajjaj, comment les Sahaba se sont comportés vis-à-vis de lui. قال أتينا أنس بمالك فشكونا من القمل الحجاج شكونا إليه من القمل الحجاج فقال أنس اصبروا فإنه لأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم هكذا يأتي هذا الرجل يشكو ما يلقى المسلمون من الحجاج أتدرون من هو الحجاج للشيخ الدين Nous allons, Al-Bukhari rapporté dans son authentique qu'un tabi'i a dit. Nous allons chez Anas ibn Malik. Et nous nous plaignons de ce que nous subissions de la part de l'Hajjaj. Vous allez voir c'était quel Hajjaj. Vous allez voir. Anas dit, patientez. Regardez la réponse. C'est déjà quelqu'un, un tabi'i qui vient voir qui? L'homme de compagnon Anas ibn Malik. Et qui se plaint de qui? De l'Hajjaj. Et nous, dans un instant, on va voir c'est qui l'Hajjaj. C'est quoi la réponse d'Anas ibn Malik? Patientez. Et maintenant, est-ce que certains gouverneurs aujourd'hui sont pires que le Hajjaj? Vous allez voir. Patientez, Anas ibn Malik, il a dit. Ne viendra pas à vous une époque sans celle qui la suive soit pire qu'elle jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. De cette manière, cet homme vient se plaindre de ce que subissaient les musulmans de la part de l'Hajjaj. Cheikh il dit, savez-vous qui est l'Hajjaj? Hein? Savez-vous qui est l'Hajjaj? يروي المسلمون في الصحيح وأحمد وغيرهم بالسند الصحيح القوي من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويروي أسماء رضي الله عنها وغير أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح مسلم يكون في أمتك كذاب ومبير قال النووي قد اتفق العلماء على أن المبير هو الحجاج المبير وأهل قومهم دار البوار قال البخاري رحمه الله الهلاك لك المبير سكوا المهلك فالمبير المهلك لهذه الأمة مهلك سفاك للدماء وماذا فعل الحجاج الذي يقود أنس بن مالك اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم ماذا فعل الحجاج شيخ الدين Anas radi Allahu anhu dit patientez ne viendra pas à vous une époque sans que celle qui la suive soit pire qu'elle jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. De cette manière, cet homme va se plaindre de ce que subissaient les musulmans de la part de l'Hajjaj. Savez-vous qui est l'Hajjaj? Et Jean Lassonnet il parle des chaînes de transmission. Muslim dans l'authentique et Ahmed et d'autres rapportent avec une chaîne de transmission forte et authentique et ceux de beaucoup de voix que le prophète a dit et cela a été aussi rapporté par Asma. Asma c'est la fille de qui? Abou Bakr, Asma ibn Abi Bakr. Marié avec qui? Zubayr ibn Ma'awun, Ahsant. Leur fils était qui? Bno le Zubair. Hein? Et Bno Zubair, il était égorgé, noble compagnon, égorgé et pendu à l'envers par Al-Hajjaj. On va le voir, on va rapporter une narration, Charles. Non, elle est sur des murs. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait, Al-Hajjaj. On va voir tout ce qu'il a fait. Muslim dans l'authentique et Ahmed et d'autres rapportent à une chaîne de transmission forte et authentique. Et c'est de beaucoup de voix que le prophète a dit, et cela a été rapporté par Asma, qu'elle a l'agré, et d'autres que le prophète a dit, comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim, il y aura dans ma communauté un grand menteur et un moubir. C'est qui dit ça? Le messager, alayhi salatu wassalam. Je vous donne une petite faïda en plus, le grand menteur, vous posez peut-être la question, vous dites, mais c'est qui le kadhab aussi? Hein? Il est rapporté que c'est Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd. Hein? Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, vous regardez Sunan al-Tirmidhi. Il y a un charh de Cheikh Al-Mussal Abad de Sunan al-Tirmidhi. Regardez, Inch'Allah. Hein? Yuqal, annahu Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd. Tandis que le Moubir, hein, c'est qui? Écoutez, il a dit ici, il y aura dans ma communauté un grand menteur et un Moubir, un Kadhab et un Moubir. Al-Nawawi rahimahullah a dit, les savants sont unanimes que le Moubir, c'est Al-Hajjaj. Et par rapport à, je vous donne une autre faïda, Cheikh Mohamed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi dit dans son explication de l'authentique de Muslim, volume 4, 24, page 251, Al-Mubir, c'est celui qui fait périr, qui tue beaucoup de gens par injustice. Vous allez voir combien il y a des riwayats qui rapportent combien de gens il a tué. Combien vous dites, les frères? Allez, c'est les gens qui ont Twitter et ne répondent pas, parce qu'ils ont déjà vu la réponse. Hein? Vous avez tous Twitter ici. Hein? Al-Mubir, il donne un verset qui nous aide à comprendre c'est quoi Al-Mubir dans la traduction du sensé, et ils établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Dar al-Bawar. Surat Ibrahim, verset 28. Al-Bukhari a dit Al-Bawar Al-Halak, la perdition. Al-Mubir, c'est donc Al-Muhlik, le destructeur. Hein, celui qui fait périr cette communauté et destructeur qui fait beaucoup couler beaucoup de sang. Et Cheikh il dit, et qu'a donc fait le Hajjaj au sujet duquel Anas ibn Malik dit, patientez, car ne viendra pas à une époque sans que celle qui la suive soit pire qu'elle, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Qu'a donc fait le Hajjaj? Écoutez, Yarwi Tirmidhi, bisalaf sahih, wa kada qala al-Albani, wa huwa kama qala. Hein? Servez-vous les frères. Hein? Les frères qui sont ici, servez-vous, Inch'Allah. Et peut-être que je propose à tout le monde qu'on s'arrête peut-être dans exactement 5 minutes, qu'on ait 5 minutes pour aller à la mosquée, Inch'Allah. Hein? Ça va? Donc on a dit, Yahoud Tirmidhi bin Sanad Sahih, wa kada qala al-Albani, wa kama qala, an Hisham, min tariq Hisham bin Hassan, qala Hisham bin Hassan, huwa imam, thiqatun hafidun. قال هشام حسان أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوا قد قتل 120,000 صبرا 120,000 يرويه الترمذي بسند صحيح وقال الألباني صحيح وكما قال الألباني رحمه الله قتل 120,000 أي صبر بعد رجل يقتل 120,000 صبرا ليس يقتلون في الجهاد وضغط كوسو بدي صبرا إن شاء الله ويذكر الأصمعي وهذا بغت خدير إن شاء الله يلدي الترمذي رابورت avec une chaîne de transmission authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani et elle est comme il a dit d'après Hisham d'après les voix de Hisham ibn Hassan qui est un imam thiqah hafid thiqah peut traduire par digne de confiance. Hisham ibn Hassan, il a dit, ils ont recensé ceux tués par Al-Hajjaj. Et ils ont trouvé qu'il avait tué 120 000 personnes sabra. Qu'est-ce que ça veut dire sabra? Sabra, Cheikh Abdel Mahsal Abbad, dans l'explication de Sunan Tirmidhi, la cassette 242, minute 30, hein, il dit, c'est tuer sans erreur, et en dehors de la guerre, et sans combat. Sabra. 120 000 personnes, comme cela a été rapporté par Tirmidhi est une chaîne de transmission authentique, et l'Albani a dit qu'elle était authentique. Il a tué 120 000 personnes. Et vous connaissez une nuit dont j'ai déjà parlé dans un des cours, pour les frères qui ont l'habitude d'écouter mes cours, dans l'état sur la piété, on appelle ça l'Ilat Dujail. C'est une nuit, il y a eu tellement de sang qui a coulé, que certains ulama dans leur biographie, comme on voit dans la biographie d'Imam Dahabi, Sir Alam Mubala, hein, la compilation de biographie, eh bien c'est quoi? C'est que certains ulama, on ne sait pas quand ils sont morts. On dit à la fin de sa biographie, Fouqida l'Ilat Dujail, perdu la nuit de Dujail, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tellement que c'était la fitna. Et qu'est-ce qu'il a dit à Anas ibn Malik? Sbiro, patientez. Elle n'a pas dit khurujo. Il n'a pas dit tada'aru. Il n'a pas dit manifester. Il n'a pas dit rebellez-vous. Il a dit quoi? Patientez. Sbiro. Quelle patience le cheikh dit après un homme qui tue 120 000 personnes, sans bras. Il ne le tue pas au jihad. Et l'asma'iyou, redkour l'asma'iyou, bisnadhi qal, أخرج الخليفة من سجن الحجاج 80,000 سجين 80,000 سجين ذكروا منهم 30,000 امرأة. وماذا فعل الحجاج أيضا؟ جاء إلى بيت الله الحرام ورمى بيت الله في قتاله مع ابن الزبير وذبح ابن الزبير صحابي النبي عليه الصلاة والسلام وعلقه من كوسا كما رواه أحمد بسند قال الألباني صحيح وعلقه من كوسا ورمى الكعبة بالمنجنيق. كنت المنجنيق كاتابلت. وروى البخاري بالسند الصحيح على شرط البخاري وقد أخرج البخاري أحاديث عدة في صحيحه بهذا الإسناد. قال رحمه الله بإسناده الصحيح إلى أبي ضمرة قال لما احترق بيت الله الحرام بيت الله أتيت ابن عباس قال فلما عرفني وأنس وأنس واطمأن إلي قال فلما عرفني وأنس إلي قال فتطاولت أتكلمت معه فقلت وذكرت ما حصل فسببت الحجاج فقال ابن عباس لا تكن للشيطان عونا أي لا تكن للشيطان عونا على الحجاج فتسب الحجاج. On termine cette parole là puis on arrête le cours inshallah. الأصمعي c'est une chaîne de transmission authentique, disant le calife fit sortir des geôles d'Al-Hajjaj 80 000 prisonniers. Et ils ont dit que parmi eux, il y avait 30 000 femmes. Et qu'a encore fait Al-Hajjaj? Il est venu à la maison d'Allah sacré et a tiré sur la maison d'Allah lors de son combat contre Ibn Zubayr. Il a égorgé Ibn Zubayr, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'a fait pendre à l'envers et a tiré la catapulte sur la Kaaba. Et après, il a été chez qui? Ça, je vous le dis en plus, que rapporté dans... Il était chez qui? C'est qui Asma? C'est la mère de qui? Il était après chez la mère de Muzoubir. Et il lui a dit le hadith. Que dans la communauté du prophète, il va y avoir un kazdam ou Moubir. Et elle a dit, je vois que le Moubir, je ne vois que ce n'est aucun autre que toi. Parce qu'il a dit de venir, elle n'a pas venu, il l'a menacé. Il a dit de venir, et puis c'est lui qui a été chez elle. Radiallahu anhum jami'an, ami. Asma et... Et le reste des Sahaba. Il est venu à la maison d'Allah sacré, a tiré sur la maison d'Allah lors de son combat contre Ibn Zubayr. Et il a égorgé Ibn Zubayr, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'a fait pendre à l'envers et a tiré la catapulte sur la Kaaba. Et Al-Bukhari rapporte une chaîne de transmission authentique selon les conditions d'Al-Bukhari. Et Al-Bukhari rapporte dans son authentique beaucoup d'ahadith avec cette chaîne de transmission. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde avec sa chaîne de transmission authentique jusqu'à Abu Damra qui l'a dit. Lorsque la maison d'Allah fut brûlée, je me rendis chez Ibn Abbas. Encore un noble compagnon. Et lorsqu'il m'a connu, qu'il s'est habitué et qu'il fut apaisant envers moi, je lui parlais, lui racontais ce qui s'est passé et j'ai insulté le Hajjaj. Ibn Abbas me dit, ne sois pas un aide à Satan. Hein? On dit en français un aide, vous savez ça? Hein? Je vous donne une petite faille dans la linguistique. Un aide, l'aide, le mot aide, c'est masculin et féminin, on appelle ça épicène. Hein? Et lorsqu'il désigne la personne qui assiste ou seconde quelqu'un dans son travail ou une fonction, donc on peut dire un aide. Hein? Petite faille d'un. Parce que si il y en a, sont prompts à envoyer des emails pour corriger des fautes d'orthographe alors qu'il n'y en a pas des fois à la coulée. Hein? C'est-à-dire, ne sois pas un aide à Satan à l'encontre d'Al-Hajjaj et donc tu insultes Al-Hajjaj. Vous voyez? Et on arrête là-dessus, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Wallahu alam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, on reste en contact avec Fawzi, le frère Al-Karim de Al-Malik de Sunna Publication. Inch'Allah, on reste en contact. Inch'Allah, et pour un rendez-vous suivant pour un cours, Inch'Allah. Mais je ne pense pas que ce soit avant le mois de mars. Wallah, hein? Comme je l'ai dit. Tenez-vous au courant sur Twitter et via notre site, et, etc. Wa jazakum allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك اخ مجيه. انصحوا كونتاكت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.